ok, j'suis pas le genre de mec qui t'aime unique. Parabellum, mais je stoppe la polémique. Tu voulais du rap hard qui frappe hardcore, même j'oublie ça, ta pute. J'l'ai fait sucer pendant que j'écrivais ce freestyle. Oh, j'ai abusé, c'est vrai, des fois j'suis trop bizarre, mais un pote, j'ai jamais niqué, j'ai jamais changé de visage. J'pense à mes proches, moi, bien avant mes poches, quoi. Un deck, y'a des potes qui partent derrière, ils te mettent des croche-pattes. Tu parles de qui? Naps, dis-moi des noms. Attends, j'vais pas parler, la liste est longue, j'ai le démon. T'as capté ou pas? Est-ce que t'as capté ou pas? J'te nique tes morts, que ton papa soit d'accord ou pas. Et j'en veux plus que 6 dans le barrier. Un réseau pour tout le monde dans le barrio. La mise la connaît même pas, tu peux parier. Elle a juste pris un snap avec moi et dit que je suis son Mario. Et j'en veux plus que 6 dans le barrier. Un réseau pour tout le monde dans le barrio. La mise la connaît même pas, tu peux parier. Elle a juste pris un snap avec moi et dit que je suis son Mario. Ok, j'arrive à peine, pourtant je suis pas dans votre game. Voilà, je suis pas dans votre tel, j'ai jamais sucé de beat. Je me suis fait seul avec mes frérots et mes hits. Ah, c'est l'équipe, 13ème ma musique, toujours dans le périmètre, jusqu'à ce qu'on périmèque, finir intérimaire, je leur ai pas tu mes mecs, on va empiler les billets, on voit la compte de s'habiller, t'inquiète, on est dans le bénéf, le cousin va s'habiller, et j'ai eu mal quand tu m'as dit la bille c'est fini, de toute façon t'es à terre, tu vaux plus rien, maintenant t'es fini, heureusement ma remède était là pour que je m'en remette, elle est mon seul remède, elle est mon grand frère Mohamed, la vie nous mal, même combien de fois j'ai eu mal, le maire, maintenant les gens regardent ton pécule ou ton balmain, on veut tous palper, finir sous les palmiers. Mettre à l'abri la famille sans se faire replomber. J'suis alcoolisé, j'en pars à la maison. Principe et valeur, le quartier a ses raisons. J'sors les mêmes vides, j'reviens les mêmes plaines à la maison. Principe et valeur, le quartier a ses raisons. Et j'en veux plus que 6 dans le barrier. Un réseau pour tout le monde dans le barrio. La mise la connaît même pas, tu peux pas lier. Elle a juste pris un snap avec moi et dit que j'suis ton Mario. Et j'en veux plus que 6 dans le barrier. Un réseau pour tout le monde dans le barrio. La mise la connaît même pas, tu peux pas lier. Elle a